Analyse du 12 avril 2022 par Thierry Perlot, Sharpawan. Élection française. Une amie sur Telegram. Bon alors Thierry, que penses-tu de ce premier tour français? Une belle mise en scène selon moi. Une belle réplique des USA. Les gens ne sont pas dupes sur la tricherie. Sur Twitter, ça se déchaîne. Mais quelle sera la suite? That's the question. Ma réponse. Une belle réplique des élections aux USA, plombée par Dominion, mais inversée sur sa finalité. Autant Trump a laissé la fraude se réaliser comme on laisse des gangsters rentrer dans une banque pour s'en remettre à la justice sans s'accrocher au pouvoir, autant le sosie de Macron devait jouer son rôle jusqu'au bout pour l'Alliance en démontrant aux Français ce qu'est un vrai petit dictateur qui s'accroche à son trône. Le grand réveil le nécessite pour enclencher le départ de feu de la France. Je pense qu'il va se passer des choses entre les deux tours. Invalidation des élections, reprise épidémiologique ou événements internationaux, genre Taïwan, donnant l'occasion à Macron de geler l'élection et de continuer son mandat. Si ce deuxième tour a lieu, ce sera très compliqué, même pour les mainstream, de cacher la fraude. Une possibilité néanmoins reste le passage au forceps de Le Pen au profit d'une extraction par l'Alliance du soldat Macron qui aurait alors terminé le rôle de sa vie. Cela voudrait dire alors que Marine est du bon côté pour procéder au nettoyage du marais français, soit par choix, soit par pression et menace de l'Alliance. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en France est hors norme. Absence de débat. Résultat, alors que les Français votent encore, carte de vote avec QR code, etc. Et un Macron à 20% alors qu'il ne devrait pas dépasser à cette heure les 2%? Et c'est fascinant. Quid de Dominion? La fraude Dominion est encore de la partie en France, mais sous contrôle de l'Alliance. Ce sont des systèmes informatiques qui pratiquent le bourrage des urnes et la manipulation des chiffres via de super ordinateurs qui, en général, sont disséminés dans les pays voisins et amis. Comme ce fut le cas aux USA, où la fraude Dominion a été effectuée de l'extérieur des USA et pratiquée par des pays amis de l'OTAN, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, etc., afin de bloquer Trump. Et depuis la première minute en novembre 2020 aux USA, ces fraudes sont considérées comme une attaque en règle envers le pays. Ce problème est géré depuis, dans le plus grand secret, par l'Alliance qui a mis en place deux gouvernements, l'un militaire et l'autre fantoche, pour le troupeau mondial, le temps que le plan se réalise comme il a été prévu initialement. En France, ce n'est plus qu'une mise en scène qui procède au grand réveil des Français et sous le contrôle de cette même alliance qui entretient le narratif afin d'éveiller les consciences. Nous sommes toujours à cette heure dans un grand film. La fin approche, mais nettoyer le monde prend du temps et il faut s'armer de patience. Il faut se tenir prêt au départ de feu de la France qui va probablement incendier toute l'Europe pour le bien de l'humanité. Nous aurons tous et toutes un rôle à y jouer. C'était Sharpawan.